Bonsoir les amis, vous voici de nouveau dans la machine à son et ce soir ça va pas rigoler, je vous le jure. Là le professeur il est électrifié, ah ouais, incroyable, hystérique, je sais pas ce qu'il... Alors il m'a dit c'est l'orage, arrive, donc ce soir il faut qu'on envoie du bois parce que ça va être l'osmose avec la nature qui va se rebeller, le vent, les éclairs, la pluie, le tonnerre. Bon pour l'instant c'est les voisins qui tapent parce que bon... Il a voulu absolument me faire écouter un petit peu tout ce qu'il a amené ce soir. On l'a mis fort parce que lui, il ne supporte pas d'écouter ça doucement. Et du coup, les voisins tapent. Donc lui, il pense que c'est le tonnerre. Moi, j'en suis pas très sûr. Mais c'est pas grave. On va pas le contrarier, sinon ça va mal démarrer. Donc il m'a expliqué en fait le principe de l'émission. Il m'a dit, voilà, il a découvert qu'en fait, il y avait une espèce de trinité. Alors rien de chrétien là-dessus, rassurez-vous. Mais enfin bon, quand même, avec le professeur, on se méfie. Donc en gros, lui, le père, voilà, moi, le fils, et la machine à son, l'espèce d'esprit saint qui amène en fait, de son... Alors lui, il appelle ça son génie. Moi, je dis son cerveau un peu dérangé. Eh bien, la bonne parole, le bon son vers vos oreilles, S-Body, via vos transistors, TSF, postes de radio, écouteurs, et etc., etc. Donc pour les écouteurs, voilà, mettez pas trop fort ce soir, parce que quand même, je voudrais pas non plus que vous soyez sourds. Pour les autres émissions, ça serait quand même dommage pour vous. Donc donc ce soir, il m'a dit, en fait, je suis dans le circuit court, donc ça va direct de moi, via moi, enfin moi, l'Esprit Saint de la machine à son, vers les oreilles, donc voilà. Circuit court, du court-circuit. Et oui, parce qu'il m'a dit qu'en fait, en balançant un maximum d'énergie, d'électricité dans vos oreilles S-Body, eh bien, ça va créer un certain nombre de courts-circuits dans vos neurones qui ne peuvent que vous faire du bien. Bon. Moi, je ne suis pas professeur, donc je ne sais pas du tout, mais je trouve que c'est peut-être un peu exagéré. Je ne suis pas sûr que quand même on arrive à faire des courts-circuits dans vos cerveaux. Si jamais c'est le cas, ne vous inquiétez pas, c'est extrêmement temporaire. C'est-à-dire qu'en gros, ça dure une petite heure, l'heure de la durée de la machine à son. Voilà. Donc rassurez-vous, voilà, il n'y a rien de permanent. Et oui, petit à petit, ça viendra peut-être, mais il vous faut encore des années d'écoute. On va quand même commencer par une chanson d'amour parce que le professeur, je l'aime, il m'aime et nous vous aimons. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Yeah.

Alors les petits amis, est-ce que vous commencez à sentir ce petit court-circuit? Non? Ah bah allez. Si? Ah bah tant mieux. Come facciamo since I last saw you. Now something tells me you ain't been true. You have been cheating. Oh yes, you've been cheating. Now homie girl, cheating. I believe that now you want me back. Joli, le professeur me parlait et j'ai essayé de faire sans les yeux. Bah, sans les yeux, mon ami, pour la vérité, c'est pas possible. No. 5 inches long. 5 inches long. I have two tone rolls, all the rest, yeah, you know this is wrong. Know this is wrong. But the main thing is, unless you're a fool, ah, you know you gotta know, yeah, you know, yeah, you gotta be cool. The salts can plainly see. Plainly see. So the action lies with all of you guys. It's how you look in the other, yeah, the other cat's eyes. But don't you see? But don't you see? But don't you see now? But don't you see now? Vous êtes dans la machine à son, bien entendu. Circuit court pour court-circuit. Croyez-moi, d'ailleurs pour moi, le boulot c'est ça. Je... pas y toucher, oui mes amis. Je suis comme je suis, je ne peux pas résister. Je ne veux pas y toucher, oui mes amis. Je suis comme je suis, je ne peux plus résister. Maintenant, je m'en vais me coucher. Je te sors sur moi. Thank you. He has a girl that I adore. I asked him for his daughter's hand. He said, no sir, mister, you're a wild man. I'm a wild man. Everybody said, listen, this is just the same. Come on, people, don't you really understand? I'm a mean old, nasty, filthy, dirty, rotten wild man, yeah. Everybody says, listen, this is just the same. Come on, people, don't you really understand? I'm a mean old, nasty, filthy, dirty, rotten wild man. Blop, blop, now, now, so touch around. Thank you. but it can't be mine. I love you, but you'll never adore me. You like the sea, you're stormy. Oh, you're stormy. Girl, you're mean to me, you make me cry a lot. But when you're around, things get hot. I love you, but you never do nothing for me. You like the sea, you're stormy. Oh, you're stormy. I want you, baby, by my side. Oh, you don't know how much I cry. Oh, you're the girl I want. I want you all the time. I want you all, but it can't be mine. I love you, but you'll never adore me. You're like the sea, you're stormy. Oh, come on, show me how stormy you can be. By my side. Oh, you don't know how much I cry. Oh, you're the girl I want. Girl, you're mean to me, you make me cry a lot. But when you're around, but you never do nothing for me. You like the sea, you're stormy. Oh, you're stormy. Like the ocean, you're always in motion. Going anywhere, leaving me behind. I don't mind. If you come back, if you come back. Set d'aucuns diront que le professeur n'est pas un grand romantique ou qu'il y a peu d'amour dans la machine à son, mais c'est faux. Il n'y a que de l'amour à tout démolir. Baby, fin d'émission nihiliste au possible. Bravo professeur pour ce final incroyable. Et oui, le pauvre garçon, eh ben, il arrive à jouir de rien ou devant rien ou avec rien, alors que vous, dans la machine à son, c'est orgasme sonore sur orgasme sonore. C'est incroyable, les vertus des ondes. Eh oui, mais c'est ça, je vous l'avais dit au début de l'émission, il y a un côté esprit saint dans la machine à son. Saint, S-A-I-N-T, S-E-I-N, bien sûr. Donc, trêve de bavardage, puisqu'il va bientôt falloir que je vous laisse vous reposer, bien que, bon, je vous ai peut-être un petit peu excité le neurone, là, il y a peut-être eu du court-circuit, le professeur avait raison. Donc, ce soir, vous avez écouté derrière les Sniveling Sheets, ça veut dire les pleurnichards. Avant ça, Art Attack Alley, les Chatham Singers, les Sonics, Jester of the Newport, les Tamrons, The Haunted, deux fois, ou peut-être pas les mêmes groupes, mais qui ont le même nom, je sais pas. Les Ombres, Fainéant, fabuleux. Un hymne du professeur, quand même. Eh oui, le professeur n'a jamais vraiment travaillé, en fait. C'est un malin, il vit de l'air et des disques. Donc, avant les Ombres de Shawl, I Say Quoi. Incroyable comme nom, quand même. Et Puis-je Dire Quoi ? Bon, bref, va comprendre, c'est du British. The High Numbers, du British aussi. Glandula, fabuleux. Amigo de Verda, ah, ça c'était extraordinaire. Puis ce nom, Glandula, quand même, c'est incroyable. Les Animals, I Rebelli, avec Evoy. Emperors, I Want My Woman, bien énervé, lui. La Fundación Francisco Frankenstein, Todo lo Contrario, super morceau. No, si, si, no, etc. Todo lo Contrario. Les Phantom Roadrunner, Children of the Sect, Bodily the Serial Killer, n'a toujours pas élucidé l'affaire. Les Trashmen, Bird Did Les Beats, incroyable. Et les Bad Beats, Have Love Will Travel. Je vais éteindre ces petits rigolos de pleurnichards. Et c'est la fin de la machine à son. Bonne nuit.